Chapitre 7. Qu'il faut détruire l'esclavage des nègres et que leurs maîtres ne peuvent exiger aucun dédommagement. Il suit de nos principes que cette justice inflexible à laquelle les rois et les nations sont assujettis, comme les citoyens, exige la destruction de l'esclavage. Nous avons montré que cette destruction ne nuirait ni au commerce, ni à la richesse de chaque nation, puisqu'il n'en résulterait aucune diminution dans la culture. Nous avons montré que le maître n'avait aucun droit sur son esclave, que l'action de le retenir en servitude n'est pas la jouissance d'une propriété, mais un crime, qu'en affranchissant l'esclave, la loi n'attaque pas la propriété, mais cesse de tolérer une action qu'elle aurait dû punir par une peine capitale. Le souverain ne doit donc aucun dédommagement au maître des esclaves, de même qu'il n'en doit pas à un voleur qu'un jugement a privé de la possession d'une chose volée. La tolérance publique d'un crime absout de la peine, mais ne peut former un véritable droit sur le profit du crime. Le souverain peut, à plus forte raison, mettre à l'esclavage toutes les restrictions qu'il jugera convenables et assujettir le maître aux taxes, aux gênes qu'il voudra lui imposer. Une taxe sur les terres, sur les personnes, sur les consommations peut être injuste parce qu'elle attaque la propriété et la liberté. Toutes les fois qu'elle n'est pas une condition ou nécessaire au maintien de la société ou utile à celui qui paye l'impôt. Mais puisque les possesseurs d'esclaves n'ont point sur eux un véritable droit de propriété, puisque la loi qui les soumettrait à des taxes leur conserverait la jouissance d'une chose dont non seulement elle a droit de les priver, mais que le législateur est même obligé de leur ôter s'il veut être juste, cette loi ne saurait être injuste à leur égard par quelque sacrifice pécuniaire qu'elle leur fit acheter une plus longue impunité de leurs crimes.